La dernière escapade de Mr. Mitchell Bourne par A.E.W. Mason. C'est dans la cuisine de l'hôtellerie de Framlingham et vers la Noël de l'an 1681 que Mr. Mitchell Bourne se rencontra fort inopinément avec l'homme qui avait peur. En ce temps-là, Lewis Mitchell Bourne était jeune. Il passait pour avoir du sens et de bonnes manières. On ne lui savait qu'un défaut, bien pardonnable à son âge, le goût trop vif des escapades. Il se faisait une gloire secrète de participer aux gracieuses évolutions d'un menuet cependant que cheval l'attendait tout bridé à la porte. Rien ne le divertissait comme de fuir soudainement une brillante assemblée pour s'enfoncer dans de petits chemins où nul ne s'aviserait de le remarquer ni de le reconnaître. Ce n'était point vanité de sa part, encore que la pensée des mille réflexions auxquelles devaient se livrer ses amis de Londres le chatouilla plaisamment au cours de bien des journées solitaires. Mais il avait du courage, il était homme de ressources, et des qualités pareilles trouvent rarement leur emploi dans la vie ordinaire. Aussi jugeait-il bon de se libérer, par intermittence, non pas des contraintes, mais des sauvegardes dont l'entouraient les circonstances sociales. Enfin, il ne manquait pas de philosophie. Il estimait que le brusque passage du luxe à la privation et à la fatigue, la nouveauté des gens qu'il rencontrait, leur bizarrerie, contribuaient à la saveur de son existence. Ainsi arriva-t-il que dans le moment où se réunissent autour du foyer les familles heureuses, Mr. Mitchell Bourne parcourait seul, à cheval, les sentiers déserts et bourbeux du Suffolk. Cependant, un hiver rigoureux calfeutrait les gens dans leurs maisons. Le ciel était blafard et morne, la neige couvrait le sol, les pluies et les brouillards de décembre s'égouttaient de toutes les branches, il régnait de ces froids humides qui s'insinuent jusqu'aux moelles. L'homme qui avait peur était assis sur un banc, dans le rayonnement de l'âtre. Grand et gros, épaissement et mollement bâti, il avait un visage flasque, avec de petits yeux d'oiseau luisants et inexpressifs. « Avez-vous à voyager loin, cette nuit ? » demanda-t-il d'un ton nerveux en battant des pieds. « Cette nuit ?» s'écria Mitchell Bourne, debout, les jambes écartées, pour mieux recueillir la bonne chaleur au long de ses os. « Pas plus loin que de ce feu à ma chambre. » Et il écoutait avec satisfaction l'averse claquer contre les fenêtres, comme une volée de sable lancée par un malicieux farfadet. Mais il n'écouta pas longtemps, le gros homme reprit tout aussitôt. « Je suis observateur, monsieur, je m'en flatte. » « Ce qui n'empêche point que j'ai la modestie de soumettre mes observations au témoignage des faits. Si j'en juge par votre prestance, vous seriez probablement au service de Sa Majesté. Un civil peut avoir du maintien. Aucune loi ne s'y oppose, » répliqua Mitchell Bourne. Il vit que l'ambiguïté de sa réponse mettait son questionneur en grand émoi. C'en fut assez pour l'intéresser. Il y avait là, lui sembla-t-il, une de ces rencontres qui était le ragoût de ses vagabondages. « Pardonnez-moi, » continua l'étranger, en s'efforçant à la cordialité, « mais je suis curieux, monsieur, curieux comme Socrate, sans être, Dieu merci, un païen. Voici le temps de Noël. C'est la coutume des honnêtes gens, dont je tiens que vous êtes, de le célébrer chez eux, à leur table, en buvant plus que de raison. Vous, cependant, vous courez les roues de Suffolk, qui n'ont rien de recommandable. « Souffrez que je m'en étonne, monsieur. »« Vous en avez le droit, » répondit Mitchell Bourne, « bien qu'évidemment, nous soyons, vous et moi, logés, c'est le cas de le dire, à la même enseigne. »« Oh, quant à moi, » poursuivit l'autre en haussant les épaules, « je m'en vais me marier. Je m'appelle Lance. » Il avait jeté son nom à l'improviste comme pour surprendre Mitchell Bourne. Celui-ci s'inclina poliment. « Et moi, » dit-il, « je m'appelle Mitchell Bourne. » Je voyage pour mon plaisir qui est de m'en aller à l'aventure sans idée de mariage. Cela m'amuse de penser que je n'ai pas un ami dans tout ce pays et que mes intimes eux-mêmes ne sauraient où me retrouver. Mr. Lance accueillit cette explication avec une méfiance visible. Il soupa de compagnie avec Mitchell Bourne et tant que dura le repas, il ne cessa de lui tendre des pièges nombreux. Tantôt il glissait un brûle-pourpoint dans la conversation un nom ou un juron étranger, et il se penchait pour observer l'effet produit. Tantôt il mentionnait quelques personnes dont Mitchell Bourne ne soupçonnait même pas l'existence. En fin de compte, il parut satisfait, et rapprochant sa chaise du feu, il se montra tel qu'il était, hâbleur et fanfaron. « Sur ma parole, vous avez raison, monsieur Mitchell Bourne. échanger des propos avec un ami de hasard en fumant une pipe et en vidant un verre, il n'y a pas, je crois, façon plus louable de passer une soirée. Je pourrais vous faire bien des récits, monsieur. J'ai servi le roi dans ses guerres, mais je méprise les vantards et c'est fini pour moi de belles prouesses. Me voilà devenu un homme pacifique. Je vous l'ai dit, je vais me marier. Fais-je bien? Je l'ignore. Je ne laisse pas quelquefois de trouver absurde qu'un homme qui a couru le monde et pourrait, s'il en avait la fatuité, se targuer de maintes aventures galantes, aille se rivier au pied des chaînes du mariage. Cependant, il faut bien qu'on finisse par s'établir, n'est-ce pas? Et puisque la jeune personne a de la mine, de la naissance et du bien, à ce qu'on m'affirme, à ce qu'on vous affirme, interrompit Mitchell Bourne. Oui, car je ne l'ai jamais vue, pas même en miniature. Je ne connais davantage ni sa mère, ni personne de sa famille, son père excepté, de qui j'apporte une lettre d'introduction. Elle habite une maison dénommée le Porche, à quelques milles d'ici. Il y a, tout à côté, une autre maison inoccupée depuis longtemps et que je pense acquérir. J'apporte une fortune, la jeune personne, une situation dans le comté. Mais elle, que dit-elle de ce mariage? Demanda Mitchell Bourne. Elle, répondit Lance, tout est body. Rien qu'elle ne doive, je présume. Son père m'a des obligations. Il s'arrêta soudain. Mitchell Bourne vit sa bouche retomber et ses yeux sortir des orbites. Son visage avait pris la couleur du plomb. Il présentait la pitoyable image de la terreur panique. Mitchell Bourne lui parla. Il ne répondit point. Il semblait incapable de répondre et comme frappé de paralysie. Il regardait droit devant lui et considérait apparemment le manteau de la cheminée placé juste au niveau de ses yeux. Pourtant, ce manteau de cheminée n'avait rien qui le distinguât de beaucoup d'autres. On trouverait encore son pareil dans la salle commune de bien des hôtelleries. À la vérité, de magots de la Chine grimaçaient sur la tablette. Mais il ne pouvait venir à la pensée de Mitchell Bourne que leur aspect grotesque et barbare produisit une décomposition si manifeste. Il inclinait à croire que l'Inde s'éprouvait un malaise physique. Peut-être s'agissait-il simplement du retour de quelque fièvre maligne contractée en pays étranger. « Monsieur, vous êtes malade, » dit Mitchell Bourne. « Je m'en vais quérir un médecin, si tant est qu'on en puisse trouver un dans le voisinage. » En même temps, il se dressa d'un mouvement si vif que l'Inde fut réveillé de sa torpeur. « Gardez-vous d'en rien faire. Par grâce, monsieur, ne bougez pas » cria-t-il. Et il se leva, lui aussi, de son siège. Ses jambes flageolaient. Balayant de la main un coin du manteau de la cheminée, il en recueillit la poussière dans sa paume, qu'après cela il tendit sous la lampe. « Avez-vous jamais rien vu de semblable ? » demanda-t-il d'une voix basse et frémissante. Mitchell Bourne regarda par-dessus l'épaule de Lance. La poussière était en réalité un menu grain de couleur verdâtre. « Jamais, » dit Mitchell Bourne. « Moi non plus, » dit Lance, en lorgnant sournoisement son compagnon et en ouvrant les doigts pour laisser couler le grain. Mais il ne fit pas disparaître sitôt du souvenir de Mitchell Bourne la vision d'un homme effaré qui vient de recevoir un choc. Un double sentiment se partageait Mitchell Bourne quand il gagna sa chambre. Pitié pour la jeune personne que Lance devait épouser. Curiosité à l'égard des appréhensions de Lance. Il resta longtemps éveillé, spéculant sur la mystérieuse poussière verdâtre qui pouvait produire une frayeur si extraordinaire. Au matin, il ne fut pas maître de sa curiosité. Aucun but précis ne lui imposant une direction. Il se laissa persuader d'aller jusqu'à Saxmundham avec Lance, qui se montrait fort soucieux de ne pas voyager seul. Durant le trajet, Lance donna de nouveaux signes de crainte. Toutes les fois qu'on arrivait à un tournant, il avait une façon de regarder en arrière qui semblait passer en habitude et qui tenait sans doute à un état de continuelle terreur. Quand ils s'arrêtèrent à midi devant une auberge pour manger à la table d'hôte, avant d'entrer, il colla un œil contre la porte et, par l'intervalle entre les gonds, il vérifia l'intérieur de la salle et l'inspecta un à un les gens qui l'occupaient. Et cela aussi avait l'air d'être chez lui une pratique usuelle. Au surplus, il demeurait bouche cousue. Un petit tas de grains sur la tablette d'une cheminée l'avait induit à la plus grande réserve, en sorte que si Mitchell Bourne ne se fût pas adonné au tabac, il n'eût pas su le fin mot de cette histoire, et il eût évité le péril étrange qu'il allait bientôt affronter. Mais il s'adonnait au tabac. À peine eut-il achevé son repas du soir dans l'auberge de Saxmundham, il demanda une pipe. La servante en fut chercher dans un placard tout un assortiment qu'elle déposa devant lui sur la table. Dans le nombre, il y en avait une qui certainement était de fabrication barbaresque. Elle avait un long tuyau de bois orné d'hiéroglyphes verts et rouges et un petit fourneau rougeâtre en terre cuite. 9 hommes sur 10 ne l'auraient pas remarqué. Mitchell Brown fut le 10e. Son imagination entrait vite en branle. Prenant la pipe, il dit d'un ton rêveur « Comment cette pipe de barbarie aura-t-elle passé les mers pour s'échouer dans un village du Suffolk parmi de grossiers brûle-gueules ?» Il entendit derrière lui le bruit d'une chaise violemment repoussée sur le plancher. La pipe parlait aussi à l'imagination de Lance. « A-t-elle été fumée ?» demanda celui-ci d'une voix grave et sourde. « Le fourneau est noir à l'intérieur, » répondit Mitchell Bourne. S'il pensait avoir vu la veille au soir un homme arrivé aux dernières limites de l'épouvante, force lui fut de convenir qu'il se trompait. La terreur agissait sur Lance à la manière d'un charme. Elle en faisait quelque chose de grotesque, sans caractère humain. Une ou deux fois, il se mit à courir follement dans un sens puis dans un autre, comme une bête traquée hors d'elle-même. Il était si pâle qu'on l'aurait cru en proie à la nausée. Et Mitchell Bourne eut honte de l'aspect que pouvait offrir un de ses semblables. « Il faut que je m'en aille, » bredouilla le malheureux. « Je ne peux rester ici. Il faut que je m'en aille. »« Quoi ? » s'écria Mitchell Bourne. « Ce soir ? Mais à 6 yards de la porte, vous serez trempé. »« S'il pleut, il y aura moins de monde dehors. » repartit Lance. « Je ne peux dormir sous ce toit. Pleuvrait-il des pistolets, des balles ? Il faut que je m'en aille. » Passant dans le corridor, il prit à part l'aubergiste et demanda sa note. Mitchell Bourne fit un nouvel effort pour le retenir. « Renseignez-vous, peut-être n'avez-vous peur que du nombre. » Ce mot accrut une frayeur qui semblait ne plus pouvoir s'accroître. « Ne parlez pas. Ne m'interrogez pas. » supplia Lance. « Une ombre, oui, vous dites vrai. La pipe est une ombre qui me fait peur. Et parbleu, c'est une chose terriblement menaçante qu'une ombre. » « Montrez-moi une ombre qui ne soit pas la projection d'un corps, et nous sommes tout près de nous entendre. » « Mais vous auriez aussitôt fait de prouver que cette pipe a volontairement franchi les mers. Non, non, méfiez-vous des ombres, vous dis-je. » Il épiloguait ainsi quand l'aubergiste reparut avec la note. En vain, celui-ci joignit ses protestations aux instances de Mitchell Bourne. Il n'obtint pas plus de succès. « La route est noire comme un cercueil de pauvres, dit-il, et parsemée de fondrières. » « Tant mieux, » dit Lance. « Il n'y a pas une maison à Bocklandham, et c'est un lieu où nul ne voudrait dormir s'il pouvait trouver ailleurs un gîte. Tant mieux, » répéta Lance. « Du reste, on m'attend demain soir au porche, et Glenham est sur mon chemin. » Il régla sa note, fila vers l'écurie, et pria qu'on voulût bien l'aider à seller son cheval. Mitchell Bourne, tout en regrettant cette fois sa promptitude à nouer relation avec des étrangers, était trop intrigué pour ne pas désirer suivre l'affaire jusqu'au bout. Ce gros homme vulgaire, pourchassé jusque dans ce recoin du Suffolk par la crainte de quelques morts d'Afrique, lui donnait fort à penser. Une conjecture se formait dans son esprit quant à la poussière verdâtre qui avait causé l'alerte de la veille. Il monta donc à cheval et partit avec Lance dans la direction de Glenham. La nuit était d'une opacité singulière. On ne distinguait une haie que lorsqu'on en recevait les branches sur la figure. La route, étroite, parfois montueuse, courait entre 2 rangées d'arbres dont les racines crevaient le sol. La pluie ajoutait au désagrément de la route. Elle tombait impitoyablement sur la face du pays et la terre résonnait sans trêve comme un tambour. Les 2 cavaliers n'avaient pas dépassé Saxmundham, qu'ils étaient mouillés jusqu'à l'échine. Et lorsque vers minuit ils arrivèrent tant bien que mal à la misérable bicoque qui était la taverne de Glenham, Lance n'en pouvait plus. Simple effet, dit-il, d'une fièvre intermittente dont il souffrait depuis des années. Une même chambre nue servit à loger les 2 hommes. Au petit jour, Mitchell Bourne fut tiré de son sommeil par une étrange voix qui parlait avec une incroyable volubilité et dans une langue bizarre. Il se souleva sur un coude. La voix était celle de Lance. Il fit de la lumière. Lance avait un accès de fièvre qui alla augmentant avec le jour. Couvait-il déjà la maladie à son retour des états barbaresques? Ou ses angoisses, jointes à son obésité, faisaient-elles de lui une victime prédestinée? C'est ce que n'aurait pu dire ni le médecin ni personne. Mais sur le midi du même jour, il eut une attaque de choléra et à 3 heures il était mort. La soudaineté de cette catastrophe affecta Mitchelbourne au-delà de toute expression. Il considérait dans une sorte d'hébétude les traits calmes de l'homme qu'il avait vu si tourmenté durant ces dernières heures, et il méditait sur l'inutilité de ses craintes. Il ne pouvait concevoir beaucoup d'estime pour Lance, mais il fit toutes les réflexions de circonstances sur les arrêts tranchants du destin et la ténuité de la vie, occupation mélancolique au beau milieu de laquelle il fut interrompu par le médecin qui lui représenta la nécessité d'une inhumation immédiate. On convint d'y procéder le lendemain matin à 7 heures et Mitchelbourne fouilla les poches du mort pour en retirer les lettres qu'il portait. Il y en avait seulement 2, adressées respectivement à Mrs. Hufford, le porche près Glenham, et à sa fille Drusilla. Se souvenant que Lance s'était attendu au porche ce soir même, Mitchelbourne jugea séant d'y porter tout de suite la fâcheuse nouvelle. En conséquence, après avoir abondamment aspergé les lettres de vinaigre et pris quelques précautions alimentaires pour les purger de l'infection, il partit vers les 4 heures. L'après-midi était d'une grande tristesse. La pluie avait cessé, mais les gouttes d'eau qui tombaient des arbres s'écrasaient avec bruit sur le sol, des branches craquaient lugubrement au souffle d'une brise imperceptible. Le jour déclinait. Le rideau gris des nuages passait au noir, sauf dans un large espace à l'ouest où brillait une pâle lumière spectrale. Le dernier rayon finissait de mourir quand Mitchelbourne parvint à une bifurcation de la route. Un homme s'y trouvait justement, auquel il demanda son chemin pour aller au porche, et qui lui dit de prendre la route à main gauche, puis d'aller jusqu'à la deuxième maison qu'il verrait. Il ne pouvait pas se tromper, un fossé bordait le mur du jardin. À 1 mille de là, il passa devant la première maison, et il eut à peine fait la moitié de l'autre mille qu'il vit le fossé, la haute muraille d'enceinte et les pignons de la deuxième obscurément profilés contre le ciel. Un pont de bois traversait le fossé et menait à une large grille. Mitchelbourne arrêta son cheval à l'entrée du pont. En regardant à travers l'avenue d'arbres, il aperçut un grand espace carré, fermé, sur 3 côtés, par la haute muraille et sur le 4e, par la façade de la maison. Ainsi, le bâtiment lui apparaissait dans toute sa largeur. Mais aucune lumière n'en éclairait les fenêtres. Aucun bruit ne se faisait entendre, hors le frémissement des branches ou la plainte du vent dans les cheminées. Aucun chien n'aboyait ou ne tirait sur sa chaîne. Aucun filet de fumée ne s'échappait du toit. Dans l'ombre de ce triste soir, la maison avait un aspect de désolation quelque peu fantastique. Il régnait un accablant silence qui inspira à Mitchelbourne une espèce d'aversion, comme s'il l'eût senti hostile et sinistre. Mitchelbourne se souvint d'avoir au premier tournant du mur traversé un sentier qui, se détachant de la route, longeait un des côtés du jardin. Il fut pris d'un violent désir de remonter ce sentier et d'inspecter les derrières de la maison avant de franchir la grille. L'idée de paraître céder à une prudence excessive le retint tout d'abord. Mais son hésitation fut brève. Il n'avait pu avoir de doute sur la sincérité des craintes de Lance, et voilà qu'il était tout près de les partager. Des doigts glacés commençaient à lui tâter le cœur et presque de l'étreindre. Il tourna bride et remonta le sentier jusqu'à l'extrémité du mur. Derrière la maison s'étendait une prairie. Du bout de sa cravache, il souleva le loquet de la porte et entra. Il se trouva sur le bord d'un étang qui baignait à l'opposite le mur de la maison et qu'entouraient des sureaux et des ormes dont les branches retombantes allaient taper comme des doigts au carreau des fenêtres. Il connut que la maison était habitée, car à l'une des fenêtres brillait une clarté jaune et chaque fois qu'un coup de vent un peu vif écartait les branches, elle balayait la surface de l'étang comme une risée. La fenêtre éclairée était à l'étage inférieur. En se haussant sur les étriers, il pouvait voir dans la chambre. Ce qu'il découvrit l'étonna indiciblement. Une table de sapin, 3 chaises de bois, des rideaux déchirés, un chandelier, composaient l'ameublement de la pièce. Les lames du parquet disparaissaient sous une couche de poussière. La peinture des panneaux tombait par plaques. Des toiles d'araignée tapissaient le plafond décoloré. Tout, en un mot, à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur, décelait un long abandon. Cependant, la pièce était occupée. Trois hommes étaient assis devant la table. Ils portaient la veste rouge et les bottes des officiers du roi. Le soleil avait bruni leurs visages. Les fatigues, les souffrances avaient aminci et tiré leurs traits. Il semblait qu'ils eussent peu à se dire. Tous les trois se tenaient roides sur leurs sièges comme en suspens, dans l'attente de quelque chose. Parfois seulement, ils faisaient un geste d'impatience ou prononçaient un mot bref, suivi d'une brève réponse. Mitchelbourne rebroussa chemin, traversa le pont, lia son cheval à un arbre et descendit à pied l'avenue jusqu'à la porte. Comme il gravissait le perron, il s'avisa que la porte était grande ouverte et que le hall bâillait devant lui, noir et vide. Ce lui fut une nouvelle surprise. Mais il se dit qu'en cette nuit des surprises, une de plus ou de moins ne comptait guère. Il s'engagea à tâtons dans le vestibule. En face de lui, le bas d'une porte traçait sur le plancher une raie lumineuse. Les trois hommes siégeaient évidemment derrière cette porte. Mitchelbourne s'arrêta. Puis il réfléchit qu'après tout, les trois hommes étaient des officiers de Sa Majesté, que leur service s'inscrivait en noble tâche sur leurs uniformes, et il alla frapper à la porte. Aussitôt, la raie lumineuse s'effaça. Il n'en fallut pas plus pour l'effrayer. Il tenait à rien qu'il eût peur depuis son entrée dans l'inquiétante maison, et voilà qu'il avait peur. Il se retourna. Il vit, par l'entrée béante, les arbres de l'avenue balancés contre un ciel de plomb leur armure sans feuilles. Il voulut continuer d'avancer, mais il s'immobilisa soudain. Il croyait entendre des voix, des pas amortis, des souffles. Il comprit que la peur lui brouillait la raison. Il se força de se rappeler le mépris que lui avaient inspiré les terreurs de Lanz, et faisant volte-face, ouvrant la porte toute grande, d'une poussée, il entra dans la chambre. « Bonsoir, messieurs, » dit-il d'un ton léger. Mais il ne reçut pas de réponse. Devant lui, la fenêtre découpait un rectangle de crépuscule gris. Une ombre noire et le silence enveloppaient tout le reste. Sa mémoire gardait un plan très net de la chambre. Il savait les trois hommes assis autour de la table à sa droite. La faible lueur de la fenêtre ne parvenait pas jusqu'à eux et ils ne faisaient aucun bruit. Cependant, ils étaient là. Pourquoi ne lui répondaient-ils pas? Il avait beau tendre l'oreille, il ne les entendait même pas respirer. Il n'entendait que son cœur marteler ses tempes. Pourquoi retenait-il leur haleine? Il traversa inconsciemment la chambre. Il ne se possédait plus. Il se faisait de son aventure et de lui-même une représentation ridicule, dans laquelle, la peur jouant le rôle de Titania, il portait comme une tête d'âne le visage flasque et hagard de Lanz. Il gagna la fenêtre, se posta dans l'embrasure, et là, une idée précise, positive, lui vint lentement à l'esprit. Il était visible pour ces hommes qui lui étaient invisibles. Alors il s'avisa d'une précaution. Avec une hâte fébrile, il tira violemment les rideaux jusqu'à ce que la fenêtre, masquée de bout en bout, ne laissa plus rien entrer de la pâle clarté nocturne. L'instant d'après, il entendit la porte derrière lui se fermer. Une clé tourna dans la serrure. Il s'accroupit sous la fenêtre. Enfin, quelqu'un ayant fait de la lumière et rallumé la chandelle, il se releva. S'il n'était pas entièrement rassuré, du moins il sentait que la clarté de la chandelle, son principal sujet de méfiance, venait de disparaître. Ce qu'il avait lieu de redouter dans le noir, c'était une attaque subite. La chandelle rallumée, il pouvait évidemment affronter, sans aucun danger de violence, trois officiers du roi qu'il n'avait vus de sa vie. Il prit tout le temps de les examiner. L'un d'eux, le plus jeune, et qui était vraiment très jeune, se penchait maintenant contre la porte. Il avait une honnête figure franche, sans rien de remarquable que la fermeté des mâchoires. Garçon d'intelligence médiocre, mais de volonté tenace, songea Mitchelbourne, et fait pour commander en sous-ordre, mais non pas sans doute, malgré le bon aloi de ses qualités, pour allumer chez une femme une de ces passions qui abolissent le monde, ni pour tenter avec elle ces hauteurs où la vie bat dans toute sa plénitude. Et il commençait de s'apitoyer sur ce jeune officier aux capacités limitées. Il s'abandonnait à la sympathie, quand tout d'un coup, l'un des deux hommes resté assis devant la table lui parla. Il se retourna. Les deux hommes se tenaient dans une attitude quelque peu théâtrale, l'un petit et brun, l'autre blond, gourmé, figure osseuse, ingrate et stupide. Il n'y avait pas à douter que ce dernier fût le plus âgé des trois. C'était lui qui parlait, et il parlait avec une sorte de courtoisie excessive, comme un homme sans éducation qui contrefait sur la scène le personnage de qualité. « Vous nous pardonnerez de vous recevoir avec si peu de cérémonie, mais nous vous attendions. Au lieu que vous ne nous attendiez pas, et nous avons pensé que vous hésiteriez à entrer si la chandelle éclairait au moment où vous ouvririez la porte. »« Détrompez-vous, » répondit Mitchell Bourne, « je savais votre présence. Si j'ai frappé la porte, c'est que j'avais un renseignement à vous demander. Vous n'avez pas éteint la chandelle si vite que je n'ai vu la lumière passer sous la porte. » Et je vous ai observé pendant 5 minutes du bord opposé de l'étang à l'arrière de la maison. » L'affabilité de cette réponse déconcerta manifestement les officiers. L'homme qui avait parlé étrangla dans sa gorge une toux rauque, puis son visage se rasséréna. « Vous faites de la dialectique, » énonça-t-il d'un ton superbe avec un grand geste. « Bien, » approuva le petit homme assis près de lui. « Très bien. » Le jeune homme appuyé contre la porte adressa vers Mitchell Bourne un front sourcilleux. « Oui, dit-il, vous faites de la dialectique. » Et le mot claqua sur ses lèvres. C'était un mot savant, heureux, habile. L'homme capable de le prononcer avec tant d'à-propos méritait qu'on l'admirât. « Une fois encore, vous vous trompez, monsieur, » continua Mitchell Bourne. « Sans doute vous attendiez quelqu'un, mais non pas moi. Car je ne suis ici que par le plus pur des hasards. Après avoir fait fausse route. » Les trois hommes échangèrent un sourire. Celui qui parlait en leur nom repartit avec un ricanement. « Il est vrai que vous avez fait fausse route. Nous avions pris nos dispositions pour cela. Un de nos serviteurs vous guettait à la bifurcation du chemin. Mais, ajouta-t-il en se levant soudain, je m'aperçois que nous manquons à toutes les bienséances. Vous avez le droit de savoir qui nous sommes. Ce gentleman près de la porte, c'est le cornet Lashley. « Voici le capitaine Bassett. Je suis moi-même le major Cantrell. Nous appartenons tous les trois au régiment de Trevelyan. » Et moi, dit Mitchell Bourne, qui n'entendait pas être en reste de politesse, « je suis Lewis Mitchell Bourne, gentleman du Middlesex. » À ces mots, les trois officiers furent pris d'un silencieux accès de rire. Mais avant que Mitchell Bourne eût le temps de s'en fâcher, « c'est bon, » dit le major Cantrell avec indulgence. « Nous n'allons pas chicaner sur des noms. Le fait certain, c'est que nous revenons de Tanger tous les quatre. « Ah ! S'écria Mitchell Bourne, de Tanger !» Tout s'éclairait. Ce siège extraordinaire où, pendant 20 ans, nos habits rouges, mal nourris, sans soldes, défendirent contre d'innombrables hordes, une ville en ruine et des murs démantelés, ce siège n'appartenait pas encore à l'histoire. Il était, en 1681, la réalité du moment. Mitchell Bourne comprit pourquoi les trois officiers avaient le visage brûlé par le soleil, des habits couverts de taches, usés sur toutes les coutures. Il s'approcha de la table, et avec plus de respect qu'il n'en avait montré jusqu'alors. « Est-ce que, demanda-t-il, l'un de vous n'aurait pas oublié une pipe mauresque dans une auberge de Saxmundham ?»« Ah !» dit le major, en adressant au capitaine Bassett un regard de reproche. « Oui !» répondit le capitaine avec embarras. « J'ai fait cette bévue. Mais qu'importe, vous n'en êtes pas moins ici. Vous devez avoir sur vous un peu de tabac mauresque, » continua Mitchell Bourne. Le capitaine Bassett fouilla dans sa poche, en tira un petit sac de toile, et le tendit à Mitchell Bourne, qui en dénoua la cordelière et fit tomber dans le creux de sa main quelques grains d'une fine poussière verdâtre. « C'est bien ce que je supposais, » dit Mitchell Bourne. « Vous attendiez ce soir Mr. Lance. » « C'est Mr. Lance que vous avez voulu fourvoyer pour le conduire dans cette maison solitaire. » Mr. Lance savait en effet qu'il existait par ici une maison inhabitée. Il pensait même s'en rendre propriétaire. Le capitaine Bassett porta vivement la main à ses lèvres, mais son geste ne fut pas si rapide qu'il parvint à dérober totalement un sourire. « Et vous étiez en droit de me prendre pour Mr. Lance, » conclut Mitchell Bourne. Le jeune homme appuyé contre la porte fit poindre un rire sec, méprisant. Le major Cantrell se contenta de pincer les lèvres. « Je sais, » dit-il, « que nous nous voyons pour la première fois. Mais n'allez pas vous en prévaloir. Que dites-vous de ceci ?» Tirant de sa poche un gros pistolet tout délabré et le déposant sur la table, il se croisa les bras. « Et de ceci, » dit le capitaine Bassett, « plaçant près du pistolet un vieux sac à poudre et frappant d'un air vainqueur sur la table. Mitchelbourne concevait fort bien que toute cette mise en scène visait à confondre le crime et à glorifier l'innocence. Mais comment ? C'est ce qu'au prix même de sa vie, il n'aurait pu déterminer. Il prit le pistolet. « Voilà, dit-il, une arme qui me paraît avoir fait d'honorable besogne. » Ce mot incidemment jeté eut l'effet le plus saisissant. Il fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Il fit s'évanouir en un clin d'œil tout ce qu'il y avait d'emprunté dans l'attitude des trois hommes. « De la besogne, oui, » s'écria le major Cantrell, « mais honorable. Ne proférez plus ce mensonge, monsieur Lance, ou je vous rentre ce pistolet dans la gorge. » Ainsi parlant, le major projetait au-dessus de la table un visage enflammé de fureur, qui d'ailleurs ne faisait que refléter ceux de ses camarades. Mitchelbourne commença à comprendre. Dans la simplicité de leur esprit, ces trois soldats s'étaient efforcés de conduire leur affaire avec le sang-froid et la dignité convenables à des juges. Ils s'étaient tracé un rôle qu'ils joueraient comme sur un théâtre. Ils représenteraient sous trois aspects la sévère majesté de la justice. Elles avaient été en cela parfaitement absurdes et ridicules. Mais à présent, la colère l'emportait. Ils redevenaient des hommes. Mitchelbourne se sentit en péril de mort. « Comprenez-moi, monsieur Lance, » dit le major, et dans l'énergique sonorité de sa voix, on reconnaissait l'homme habitué à imposer l'obéissance. Il y a 3 ans, à Tanger, je commandais Devil's Drop, un petit fort extérieur construit de briques et de broc sur les sables. Devant nous, les morts formaient un demi-cercle, et le diamètre de ce demi-cercle, monsieur, était la ligne de la mer de notre dos. Nous ne pouvions reculer de 6 yards sans nous mouiller les pieds, et de 20 sans nous noyer. Une nuit, les morts poussaient leurs tranchées jusqu'à nos palissades. J'ordonnais une sortie au petit jour. 9 officiers dont j'étais prirent part à l'attaque. 3 en revinrent, nous 3. Quant aux 6 autres, 5 d'entre eux étaient morts en exécutant mes ordres. Mais par le Dieu vivant, c'est vous qu'ils aviez tué. Voici le pistolet qui tua mon meilleur ami, un pistolet anglais. Voici la poire à poudre qui chargea le pistolet, une poire à poudre anglaise, et pleine de poudre anglaise. Et qui donc avait vendu le pistolet et la poudre aux ennemis de l'Angleterre, vous, un Anglais. Mais ce soir, vous touchez au terme de votre carrière. Tournez-vous du côté qu'il vous plaira, vous ne trouverez pas une issue. La vérité venait de se faire jour. Mitchelbourne frémit. 3 hommes étaient là, farouchement décidés à ce qu'ils considéraient comme un acte de simple justice. Par quels moyens les convaincre de leur méprise ? En discutant, on ne l'écouterait pas. En donnant des preuves, ils n'en avaient pas. Des raisons ? Mais de toutes les raisons, laquelle pouvait-il invoquer plus bêtement qu'une erreur sur le coupable ? C'est la première qui vient aux lèvres d'un accusé. En la formulant, c'est presque sa condamnation qu'il prononce. « Vous persistez dans votre erreur, major Cantrell. » Commença-t-il néanmoins. « Montrez la pièce à conviction, Bassett, » interrompit Cantrell en haussant les épaules. Le capitaine Bassett sortit d'une de ses poches un papier plié. « 9 officiers participèrent à l'attaque, » reprit Cantrell. « 5 furent tués. 3 sont ici. Le 9e fut fait prisonnier et les morts l'emmenèrent au port de Marmora comme interprète. » À Marmora, votre bateau déchargeait sa cargaison de poudre et de canons. Dieu sait combien de fois, au cours de ces 20 années, vous aviez déchargé une cargaison semblable. Assez souvent, à ce qu'il paraît, pour vous donner la fantaisie de venir dans ce comté faire figure de gentilhomme. Lors du déchargement dont je parle, et qui suffit, notre camarade vous servit de truchement auprès des morts, monsieur Lance. Cela, vous le saviez sans doute. Mais voici ce que vous ne savez pas. Il s'échappa et réussit à gagner Tanger, porteur de votre connaissement. » Ce disant, Bassett lança la feuille de papier vers Mitchelbourne. Elle tomba sur le parquet devant lui, mais il ne se donna pas la peine de la ramasser. « C'est la mort de Lance que vous réclamez ? » demanda-t-il. « Oui, oui !» crièrent 3 bouches. « Eh bien, votre désir est dès maintenant satisfait. Je ne mets pas en question un seul de vos griefs contre Lance. J'ai toute raison de les croire fondés. Mais je ne suis pas Lance. Lance repose en ce moment sur son lit de mort à Great Glamham. Voici ses lettres. » Mitchelbourne déposa les lettres sur la table. Je les lui ai retirées et suis aussitôt monté à cheval. Vous ne me croyez pas ? Rien de plus facile pour vous que de vérifier mes paroles. Qu'un de vous 3 parte pour Great Glamham et se renseigne. Il sera de retour avant le matin. » Les trois officiers avaient jusque-là écouté Mitchelbourne d'un air impassible, ou peut-être l'avait-il à peine écouté, car il semblait aussi indifférent aux mots qu'à l'accent de bonne foi avec lequel ils étaient prononcés. « Je crois que c'en est assez de vos fables ingénieuses, » dit Cantrell en faisant mouvement du côté de ses compagnons. « Un instant, » répondit Mitchelbourne, « j'ai une question à vous poser. Les lettres que voilà sont adressées à Mrs. Ufford, le Porsche. Cette maison est-elle près d'ici ? Elle est la dernière que vous ayez laissée sur votre route. » Et comme une fugitive expression de contentement éclairait le visage de sa victime. « Mais, » s'empressa d'ajouter le major, « ne comptez pas que le Porsche intervienne pour vous, tout au moins en temps utile. Vous n'imaginez pas combien nous avons eu de peine à vous rejoindre. Nous ne saurions guère espérer un ensemble de circonstances aussi favorables. Une maison abandonnée, ce voyage que vous faites, seul et sans méfiance, dans un comté que vous ignorez, où vous n'êtes connu de personne, un bon étang profond, juste au-dessous de la fenêtre, et enfin... » Il eut une expression de colère. « Enfin, il y a devant Tanger les petites tertres qui recouvrent les corps de mes amis. » Et cachant son visage dans ses mains, « Mes amis !» s'écria le major d'une voix rauque et brisée, « mes compagnons d'armes !» Finissons en bassette, la corde est là, dans le coin, le nœud est prêt, le linteau de la fenêtre fera l'affaire. » Bassette se leva pour obéir, mais Mitchelbourne ne lui en donna pas le temps. Ses craintes avaient fait place à l'indignation devant la stupidité de ces hommes. Il bouillait à la pensée de perdre ainsi la vie, niaisement, ignominieusement, pour le crime d'un autre à qui ne l'attachait aucun lien d'amitié, et qui, au surplus, était déjà mort. Il avait tout juste, à ce qu'il lui sembla, une chance de fuite, et il la saisit au moment où le capitaine se baissait pour prendre à terre dans un coin le rouleau de corde. « Donc, s'écria-t-il, avançant d'un pas, voilà comment vous l'entendez. Vous allez me pendre jusqu'à ce que mort s'en suive, puis vous me ferez proprement disparaître dans l'étang. Au soleil levant, vous serez loin, et nul ne se doutera jamais de ceci. Eh bien non, major Cantrell, je ne touche pas encore au terme de ma carrière. » Là-dessus, avant que l'un des trois hommes pût prévenir son geste, il s'empara du pistolet et, frappant le chandelier avec force, il l'écrasa sur la table. La flamme de la chandelle grésilla, puis s'éteignit. Aussitôt, d'un bond en arrière, il fut au centre de la pièce. Il avait affaire à des hommes instinctifs. Il pouvait être certain que tous les trois, pour se guider dans l'obscurité, chercheraient la muraille. Il entendit retomber dans un angle à sa gauche le rouleau de corde. Il savait donc où se trouvait le capitaine Bassett. Il entendit une chaise qu'on renversait devant lui, et un homme vint le buter en pleine poitrine. Il tenait toujours le pistolet dans sa main. Il frappa, l'homme s'abattit à grand bruit. Sa chute suivit de si près celle de la chaise que toutes les deux parurent n'en faire qu'une purement accidentelle, tellement qu'à la gauche de Mitchelbourne, et sans doute à l'endroit de la cheminée, une voix dit « Relevez-vous, vite, vite !» La voix était celle du major Cantrell, et le cœur de Mitchelbourne sursauta d'espoir. Puisqu'en effet l'homme qui venait de tomber n'était pas le major ni le capitaine, ce devait être Lashley, et Lashley gardait la porte, dont la clé restait dans la serrure. Il ne s'agissait donc que d'atteindre la porte et de tourner la clé. Mitchelbourne entendit Cantrell se diriger furtivement le long du mur, à sa gauche, et il eut une minute d'angoisse, car dans l'ombre, il ne pouvait savoir de quel côté le major se dirigeait. S'il se dirigeait vers la fenêtre, s'il avait le bon sens de se diriger vers la fenêtre et d'écarter le rideau, la lueur blême du crépuscule montrerait les silhouettes mouvantes. Mitchelbourne perdrait son unique chance. Et alors, quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inespéré arriva. Le Deus ex machina était, ce soir-là, d'humeur capricieuse. Il se plaisait aux facéties et aux absurdités. Le ridicule de cette nouvelle péripétie domina les préoccupations de Mitchelbourne au point qu'il eut de la peine à s'empêcher de rire. Il entendit deux hommes s'accrocher se battre en silence. Le capitaine Bassett et le major Cantrell s'étaient pris à la gorge sans que ni l'un ni l'autre ne soufflât mot. Ils réservaient toutes leurs forces pour la lutte. À pas de loup, Mitchelbourne marcha vers la porte, chercha la clé, la saisit tout doucement, la fit jouer d'un coup, ouvrit la porte et s'élança au dehors. Mais dans le hall, il se heurta contre un quatrième individu qui était le domestique apposté quelques heures avant sur son chemin pour l'égarer. Tous les deux roulèrent sur le parquet. Cependant, Étant tombé le second, il se releva le premier, et tandis que le major s'expliqua enfin avec le capitaine, sans attendre qu'ils se fussent mis d'accord, il s'enfuit par l'avenue. Il ne s'arrêta pas pour détacher son cheval, il courut, sentant qu'il n'y avait pour lui qu'une retraite sûre, la maison de Mrs. Ufford. Il courut le long de la route jusqu'à sentir son cœur près de rompre, persuadé que d'un instant à l'autre, une main allait s'abattre sur son épaule, un pistolet retentir dans la nuit. Arrivé devant la maison, il cogna violemment à la porte et fut introduit tout soufflant par un homme qui lui dit, d'emblée, avec le sourire et la familiarité d'un vieux domestique, « On vous attendait, monsieur Lance. » Un rire incoercible s'empara de Mitchell Bourne. Il s'effondra sur un siège. À quoi bon vouloir établir son identité? Les destins s'y opposaient obstinément cette nuit-là. Et d'ailleurs, son hilarité devenait convulsive. Le domestique ouvrit une porte. « Je m'en vais annoncer votre arrivée, monsieur. »« Non pas. J'ai trop le souci des convenances. » s'écria Mitchell Bourne. « Sachez que je suis mort cet après-midi à 3 heures et que je viens simplement déposer mes lettres d'introduction. C'est, je crois, tout ce que je puis me permettre en bonne étiquette. Il ne serait point décent que je rendisse visite à des dames sitôt après un événement d'une si déplorable gravité. Joignez qu'on doit m'ensevelir à 7 heures du matin, et que si par hasard je n'étais pas de retour à temps, j'acquerrais dans ce comté où l'on ne me connaît pas une réputation de légèreté qu'il me déplaît d'encourir. » À ces mots, il repartit de toute sa vitesse, plantant là le majordome ébahi. Et il n'entendit aucun bruit de poursuite. C'est ainsi que s'achève la dernière escapade de Mr. Mitchell Bourne par A.E.W. Mason.